pour manger mango. La caille fait dire mon chéri. On va aller manger mango. La caille fait dire mon chéri. Le mag est tourné. Aïe, c'est beauté, mata. Aïe, c'est beauté, bidimi. Aïe, c'est beauté, melton. Aïe, c'est beauté, manga. Manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga. Manger mango, la caille fait y moucher. On va aller manger mango, la caille fait y moucher. Le mag est tourné. Aïe, c'est beau des mangas. Aïe, c'est beau des bikini. Aïe, c'est beau des melton. Aïe, c'est beau des mangas. Manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga, manga. Fait-il bouger?